Salut les gars. Salut les gars, y'a pas moyen que je m'incruste, s'il vous plaît. Pas moyen que je colle, que je fasse comme vous. Je kiffe trop les blagues, ils sont trop cool, je trouve. Mais si c'est flac, que je suis pas noir, mais je mettrai du fond de teint, mais je sais pas. Mais laissez-moi faire partie de votre bande, putain. J'ai plus envie d'être blanc, moi, c'est plus la mode. J'ai envie d'être belle. Apprenez-moi à rapper du hip-hop, merde. Et vous comprenez pas, je suis mal dans ma peau, quoi. S'il vous plaît, les gars, acceptez-moi, quoi. Ah, vas-y, casse-toi, franchement, je crois qu'on va t'accepter. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Allez, arrête de rouler, s'il te plaît, laisse-moi une chance au moins, c'est pas moi. J'suis noir de peau, d'un cramé couleur IA. Aïe dans ce monde, on peu de moyens de se faire la caille. Début 80, on crée un truc cool, swingant, les blancs nous Saint-Jean. Ces singes dansent sur la tête. 20 ans déjà, les blocs partis dans le bon. 20 ans dans les blocs, et toi, Léon, petit doigt, détruit mes bronches. Branche un mic devant un black, c'est tout naturel. Un blanc qui déchire au mic, c'est surnaturel. Vas-y, porte un baggy et crie yo. Et on verra si ça fait toi un J-S-E. Jeune squal élégant, et j'ai ri des blanches. Moi, je ris des blancs qui nous imitent et prennent ma bataille pour mythe. Lui aujourd'hui il fait de la techno. J'rêve, shooter un blanc. Bob toi me kill. Rien à foutre de vos plaques. Passe la zone au bac, bombe au clac. Oublie le rêve de Bambata. Non, non et non. Allez putain, soyez pas raciste, merde. Moi aussi je veux faire du rap. On a dit non, non et non. Allez les gars, juste un petit truc quoi. Un petit morceau et avec ça. Non, non et non. Et tu verras, j'aurai là la rap et noir, l'attitude et tout. On a dit non. Non et non. Ah laisse-moi incruster s'il te plaît. Pourquoi tu veux me tourner comme ça? Y'a pas moyen que je mets rien incruste. Y'a pas moyen que je colle, que je fasse comme vous. Moi aussi depuis l'école je vais être voyou. Tu sais cette flaque que je suis pas pauvre. Mais je déchirais mon jean ou bien je sais pas. Mais laissez-moi faire partie de votre clique les gars. J'ai plus envie d'être riche moi, c'est plus la mode. J'ai envie d'être belle. Apprenez-moi à rapper du hip-hop, merde. Mais vous comprenez pas que je suis mal dans ma peau ou quoi? S'il vous plaît les gars, acceptez-moi quoi. Bonne graine semée au mauvais endroit, dans le mauvais ébène sur terre d'ivoire. JSE, jeune squat élégant, pas de pied. Si avec les riches, lève le gun. Coup d'être pauvre nec, pas la même quand t'étais môme que ta maman monnaie. J'étais mauvais tellement. Tu veux être pauvre, donne-moi tes millions. Je conduis ta 600, fais ton taf humiliant. Voyou éphémère, fais de mode juste sur FM. Si tu veux, je te flingue. Si tu veux, je te plante. Arrête de planter. Plouge ma peine, suce ma pine. Pseudo Al Pacino, K2MJ, moins de fuck, dis moi. Rendez-moi mon pouvoir et mes droits. Right. Un souverain noir vaut-il plus qu'un souffrir pape? Différent par nature, inégaux par le monde. Non, non et non. Allez putain, soyez pas raciste, merde. Moi aussi je veux faire du rap. On a dit non, non et non. Allez les gars, juste un petit truc quoi. Un petit morceau et avec ça. Non, non et non. Et tu verras, j'aurai là la rap et noir, l'attitude et tout. On a dit non. Non et non. Ah laisse-moi incruster s'il te plaît. Pourquoi tu veux me dormir comme ça? C'est mais... les gars, y'a pas moyen que je pose. Que je déchire tout le monde ici, que je puisse péter ma cause. Faire péter la bombe, vous croyez quoi? J'étais une de ces putes qui savait pas ce que c'était qu'un style hardcore sur un beatcore. Mais détrompez-vous, nous les chocolats blancs, on a une place aussi. Et au même titre que les chocolats noirs. Et si j'insiste, à part quelques détails, en somme, nous sommes des hommes blancs ou noirs, riches ou pauvres, y'a des bonhommes de taille. Oh mais en noir, dites-moi que c'est ce blanc qui détire comme ça. Moi je digère pas, je reste roi, je voudrais qu'on le sache. C'est notre black music, c'est vrai qu'on l'aime. L'homme protège ton bien, puis m'a tous à l'aise. Protecteur sur mon terrain, protecteur sur mon verra. Protect your neck quand j'opère un. Pertinemment comme un poisson dans son domaine. J'ai la vibe dans le sang et le rythme de la pommade. De la pommade. Mais j'avoue que tu déchires au microphone. Je trouve ça ridicule de dire que t'es un bouffon. Je manie les principes. Ce qui fait faire, tu me récites. Y'a trop de racisme. Même dans le plan, c'est la même recette. Et que c'est chanson de face. Tourner la tête comme une tourbie. Tourner la tête comme une groupie. Et n'oublie pas que nos idées sont celles de demain. LPC et Jeb Dino ici sont main dans la main, bon. Non et non. Allez putain, soyez pas raciste, merde. Moi aussi je veux faire du rap. On a dit non, non et non. Allez les gars, juste un petit truc quoi. Un petit morceau et avec ça. Non, non et non. Et tu verras, j'aurai là la rap et noir, l'attitude et tout. On a dit non, non et non. Ah laisse-moi incruster s'il te plaît. Pourquoi tu veux me tourner comme ça, mec? Non, non et non. Mais je ferai de la muscu et je prendrai un air méchant et tout et tout. On a dit non. Non et non. Allez arrête de déconner, je suis cette urneur de squat moi. Pour qui tu me prends là? Non, non et non. Bon c'est vrai j'ai une dure. J'ai des couilles quoi sur les bitches. On a dit non, non et non. Bon je vais te le dire en quoi? Chinois ou en japonais, je skippe le rap. Non, non et non. Ah y'en a marre du fric et y'en a marre d'avoir le cul dans le beurre. On a dit non, non et non. Je vais habiter à la cité avec les blacks et les beurres. Non, non et non. Non, j'ai plus envie d'être blanche maintenant. Je sais pas pourquoi, mais bon. On a dit non, non et non. Michael Jackson et moi, on a déconné, on aurait dû faire des chants.